la marquise de Brinvilliers. Cinquième partie. Le sergent Cluet déposa que, voyant Lachaussée servir de laquais à M. d'Aubray, conseiller, lequel il avait vu au service de Sainte-Croix, il dit à Mme de Brinvilliers que si le lieutenant civil savait que Lachaussée eût été à Sainte-Croix, il ne le trouverait pas bon. Qu'alors, la dite dame de Brinvilliers s'écria « Mon Dieu, ne le dites point à mes frères, car on lui donnerait des coups de bâton, et mieux vaut qu'il gagne quelque chose qu'un autre. » Il n'en dit donc rien au dit sieur d'Aubray, quoiqu'il vit Lachaussée aller tous les jours chez Sainte-Croix et chez la dite dame de Brinvilliers, qui mit au nez Sainte-Croix pour avoir sa cassette, et qu'elle voulait que Sainte-Croix lui rendît son billet de 2 ou 3 000 pistoles, autrement elle le ferait poignarder. Qu'elle avait dit qu'elle voudrait fort que l'on ne vît point ce qu'il y avait dans la dite cassette, que c'était chose de grande conséquence et qui ne regardait qu'elle seule. Le témoin ajouta qu'après l'ouverture de la cassette, il avait rapporté à la dite dame que le commissaire Picard avait dit à Lachaussée qu'il avait été trouvé d'étranges choses. Qu'alors la dame de Brinvilliers rougit et changea de discours. Il lui demanda si elle n'était pas complice. Elle répondit « Pourquoi moi ?» Puis elle ajouta, comme se parlant à elle-même, « Il faudrait envoyer Lachaussée en Picardie. » Dit encore le déposant qu'il y avait longtemps qu'elle était après Sainte-Croix pour la dite cassette, et si elle l'avait eue, elle l'aurait fait égorger. Ce témoin ajoute encore qu'ayant dit à Briancourt que Lachaussée était pris, et que sans doute il dirait tout, Briancourt avait répondu en parlant de la dame de Brinvilliers, « Voilà une femme perdue !» Que la demoiselle d'Aubray, ayant dit que Briancourt était un fripon, il avait répondu, lui, Briancourt, que la demoiselle d'Aubray ne savait pas quelle obligation elle lui avait, qu'on avait voulu l'empoisonner, elle et la lieutenante civile, et que c'était lui qui avait empêché le coup. À oui dire à Briancourt que la dame de Brinvilliers disait souvent qu'il y avait des moyens de se défaire des gens quand ils déplaisaient et qu'on leur donnait un coup de pistolet dans un bouillon. La fille Edmée Huet, femme Bricien, déposa que Sainte-Croix allait tous les jours chez la dame de Brinvilliers et que dans une cassette appartenant à la dite dame, elle avait vu de petites boîtes contenant du sublimé en poudre et en pâte, ce qu'elle reconnut bien étant fille d'apothicaire. Ajoute que la dite dame de Brinvilliers, ayant un jour dîné en compagnie et étant gaie, elle lui montra une petite boîte lui disant « Voilà de quoi se venger de ses ennemis. Et cette boîte n'est pas grande, mais elle est pleine de successions. » Qu'elle lui remit alors cette boîte entre les mains, mais que bientôt, étant revenue de sa gaieté, elle s'écria « Bon Dieu, que vous ai-je dit ? Ne le répétez à personne. » Que Lambert, clerc du palais, lui avait dit qu'il avait porté les deux petites boîtes à la dame de Brinvilliers de la part de Sainte-Croix. Et que n'étant point payée, elle, femme Bricien, de 10 pistoles qui lui étaient dues par la dame de Brinvilliers, elle alla en faire plainte à Sainte-Croix, et menaça de dire au lieutenant civil ce qu'elle avait vu, ce qui fit qu'on lui donna les 10 pistoles, que Sainte-Croix et la dite dame de Brinvilliers avaient toujours du poison sur eux pour s'en servir au cas où ils seraient pris. Laurent Perrette, demeurant chez Glaser apothicaire, déclara qu'il a souvent vu une dame venir chez son maître, conduite par Sainte-Croix, que le laquais lui a dit que cette dame était la marquise de Brinvilliers, qu'il paierait sa tête que c'était du poison qu'il venait faire à Glaser, que, quand ils venaient, ils laissaient leur carrosse à la foire Saint-Germain. Marie de Villeray, demoiselle suivante de la dite dame de Brinvilliers, déposa que depuis la mort de M. d'Aubray, conseiller, la Chaussée vint trouver la dite dame de Brinvilliers et lui parla en particulier, que Briancourt lui a dit que la dite dame faisait mourir d'honnêtes gens, que lui, Briancourt, prenait tous les jours de l'orviétan de peur d'être empoisonné, et que c'était sans doute à cette seule précaution qu'il devait d'être encore en vie, mais qu'il craignait d'être poignardé à cause qu'elle lui avait dit son secret touchant l'empoisonnement, qu'il avait fait avertir Mademoiselle d'Aubray qu'on voulait l'empoisonner, qu'on avait pareil dessein sur le gouverneur des enfants de M. de Brinvilliers. Ajoute Marie de Villeray que 2 jours après la mort du conseiller, comme la Chaussée était dans la chambre à coucher de Madame de Brinvilliers et qu'on annonça Coustet, secrétaire de feu le lieutenant civil, elle fit cacher la Chaussée dans la ruelle de son lit. La Chaussée apportait à la marquise une lettre de Sainte-Croix. François Desgrés, exempt, déposa qu'étant chargé de l'ordre du roi, il arrêta à Liège la dame de Brinvilliers. Il trouva sous son lit une cassette qu'il scella. La dite dame lui demanda un papier qui s'y trouvait et qui était sa confession, mais qu'il le lui refusa, que par les chemins qu'ils suivaient ensemble pour venir à Paris, la dame de Brinvilliers lui dit qu'elle croyait que c'était Glaser qui faisait les poisons de Sainte-Croix. Lui ayant donné un jour à elle, dame de Brinvilliers, un rendez-vous à la Croix Saint-Honoré, il lui montra 4 petites bouteilles et lui dit « Voilà ce que Glaser m'a envoyé ». Elle lui en demanda une, mais Sainte-Croix répondit qu'il aimerait mieux mourir que de lui en donner. Ajoute que l'archer, Antoine Barbier, lui avait remis 3 lettres que la dame de Brinvilliers écrivait à Théria, que dans la première elle lui disait de venir en diligence la tirer des mains des soldats qui l'escortaient, que par la seconde elle lui disait que l'escorte ne se composait que de 8 personnes amassées que 5 hommes pourraient défaire, et par la troisième que s'il ne pouvait venir la tirer des mains de ceux qui l'emmenaient, il alla au moins au commissaire, qu'il tua le cheval de son valet de chambre et 2 des 4 chevaux du carrosse qui la conduisait, qu'il prit la cassette et le procès et qu'il jeta le tout au feu. Autrement, elle était perdue. La Violette, archer, déposa que le soir même de l'arrestation, la dame de Brinvilliers avait une longue épingle qu'elle voulut mettre dans sa bouche, qu'il l'en empêcha et lui dit qu'elle était bien misérable, qu'il voyait que ce qu'on disait d'elle était véritable et qu'elle avait empoisonné toute sa famille, à quoi elle fit réponse que si elle l'avait fait, ce n'était pas un mauvais conseil, et que d'ailleurs, on n'avait pas toujours de bons moments. Antoine Barbier, archer, déclara que la dame de Brinvilliers étant à table et buvant dans un verre, elle en voulut manger un morceau, et que comme il l'en empêcha, elle lui dit que s'il voulait la sauver, elle lui ferait sa fortune, qu'elle a écrit 2 lettres à Théria, que pendant tout le voyage elle a fait ce qu'elle a pu pour avaler du verre, de la terre ou des épingles, qu'elle lui a proposé de couper la gorge à Desgrés, de tuer le valet de chambre de Monsieur le commissaire, qu'elle lui avait dit qu'il allait prendre et brûler la cassette, qu'il fallait porter la mèche allumée pour brûler le tout, qu'elle a écrit à Pénautier de la conciergerie, qu'elle lui donna la lettre et qu'il fit semblant de la porter. Enfin, Françoise Roussel déposa qu'elle avait été au service de la dame de Brinvilliers, que cette dame lui donna un jour des groseilles confites à manger, qu'elle en mangea sur la pointe d'un couteau, dont aussitôt elle se sentit mal. Elle lui donna encore une tranche de jambon humide, laquelle elle mangea, et depuis lequel temps elle a souffert grand mal à l'estomac, se sentant comme si on lui eût piqué le cœur, et a été 3 ans ainsi, croyant être empoisonnée. Il était difficile de continuer le même système de dénégation absolue en face de pareilles preuves. La marquise de Brinvilliers n'en persista pas moins à soutenir qu'elle n'était point coupable. Et maître Nivelle, l'un des meilleurs avocats de cette époque, consentit à se charger de sa cause. Il combattit les unes après les autres, et avec un talent remarquable, toutes les charges de l'accusation, avouant les amours adultères de la marquise et de Sainte-Croix, mais niant sa participation au meurtre de messieurs Daubré père et fils, qu'il rejetait entièrement sur la vengeance que Sainte-Croix avait voulu tirer d'eux. Quant à la confession qui était la plus forte et selon lui la seule charge que l'on put opposer à la dame de Brinvilliers, il attaquait la validité de pareils témoignages par des faits tirés de cas pareils, où le témoignage porté par les coupables contre eux-mêmes n'avait point été admis en vertu de cet axiome de législation « Non auditur perire volens ». Il cita trois exemples, et comme il ne manque pas d'intérêt, nous les copions textuellement dans son mémoire. Premier exemple. Dominicus Soto, qui est un très fameux canoniste et très grand théologien, qui était confesseur de Charles Quint et qui avait assisté aux premières assemblées du Concile de Trente, sous Paul III, propose une question d'un homme qui avait perdu un papier où il avait écrit ses péchés. Or, il advint qu'un juge ecclésiastique, ayant trouvé ce papier, et ayant voulu informer sur ce fondement contre celui qui l'avait écrit, ce juge fut justement puni de son supérieur par la raison que la confession est chose si sacrée que même ce qui est destiné pour la faire doit être enseveli dans un silence éternel. C'est en vertu de cette proposition que le jugement suivant, rapporté par le traité des confesseurs de Roguerie à Cunion, célèbre archevêque portugais fut rendu. Un catalan, né en la ville de Barcelone, ayant été condamné à mort pour un homicide qu'il avait commis et avoué, refusa de se confesser lorsque l'heure du supplice fut arrivée. Quelques instances qu'on lui fit, il résista, avec tant de violence, sans néanmoins donner aucune raison de ses rejets, que chacun fut persuadé que cette conduite, qu'on attribuait aux troubles de son esprit, était causée chez lui par la crainte de la mort. On avertit de cette obstination saint Thomas de Villeneuve, archevêque de Valence en Espagne, qui était le lieu où la condamnation avait été rendue. Le digne prélat eut alors cette charité de vouloir bien s'employer pour obliger le criminel à faire sa confession, afin de ne pas perdre tout ensemble l'âme et le corps. Mais il fut fort surpris lorsque, lui ayant demandé la raison du refus qu'il faisait de se confesser, le condamné lui répondit qu'il devait avoir en exécration les confesseurs, puisqu'il n'avait été condamné qu'en conséquence de la révélation que son confesseur avait faite de l'homicide qui lui avait été déclaré, que qui que ce soit n'en avait eu connaissance, mais que s'étant confessé, il avait avoué son crime et déclaré l'endroit où il avait enterré celui qui l'avait assassiné et toutes les autres circonstances du crime. Que ces circonstances ayant été révélées par son confesseur, il n'avait pu les dénier, ce qui avait donné lieu à sa condamnation, qu'à cette heure seulement, il avait appris ce qu'il ne savait pas lorsqu'il s'était confessé, c'est-à-dire que son confesseur était frère de celui qui l'avait tué, et que le désir de vengeance avait porté ce mauvais prêtre à révéler sa confession. Saint Thomas de Villeneuve, sur cette déclaration, jugea que cet incident était beaucoup plus considérable que le procès même, qui ne regardait que la vie d'un particulier, tandis qu'il s'agissait ici de l'honneur de la religion dont les conséquences étaient infiniment plus importantes. Il crut qu'il fallait s'informer de la vérité de cette déclaration, fit appeler le confesseur et, lui ayant fait avouer ce crime de révélation, il obligea les juges qui avaient condamné l'accusé à révoquer leur jugement et à le renvoyer absous. Ce qui fut fait avec l'admiration et les applaudissements du public. Quant au confesseur, il fut condamné à une très forte peine que saint Thomas de Villeneuve adoucit en considération du prompt aveu qu'il avait fait de son crime et surtout de l'occasion qu'il avait donnée de faire voir au grand jour le respect que les juges eux-mêmes doivent avoir pour les confessions. Deuxième exemple. En 1579, un cabaretier de Toulouse avait tué seul et à l'insu de toute sa maison un étranger qu'il avait reçu chez lui et l'avait enterré secrètement dans sa cave. Ce misérable, poursuivi par ses remords, se confessa de cet assassinat. On déclara toutes les circonstances et indiqua même à son confesseur l'endroit où il avait enterré le cadavre. Les parents du défunt, après toutes les recherches possibles pour s'en procurer des nouvelles, firent enfin publier dans la ville qu'il donnerait une grosse récompense à la personne qui découvrirait ce qu'il était devenu. Le confesseur, tenté par l'appât de la somme promise, avertit en secret que l'on n'avait qu'à chercher dans la cave du cabaretier et qu'on y trouverait le cadavre. On l'y trouva en effet à l'endroit indiqué. Le cabaretier fut mis en prison, appliqué à la torture et avoua son crime. Mais après cet aveu, il soutint toujours que son confesseur était le seul qui pût l'avoir trahi. Alors, le Parlement, indigné de la voie dont on s'était servi pour parvenir à la vérité, le déclara innocent jusqu'à ce qu'on eût d'autres preuves que la dénonciation du confesseur. Quant à celui-ci, il fut condamné à être pendu et son cadavre jeté au feu, tant le tribunal avait reconnu dans sa sagesse qu'il était important de mettre en sûreté un sacrement indispensable au salut. Troisième exemple. Une femme arménienne avait inspiré une violente passion à un jeune seigneur turc. Mais la sagesse de la femme fut longtemps un obstacle au désir de l'amant. Enfin, ne gardant plus de mesure, il la menaça de la tuer, elle et son mari, si elle ne consentait pas à le satisfaire. Effrayée de cette menace dont elle ne savait que trop que l'exécution était certaine, elle feignit de se rendre et donna au Turc un rendez-vous chez elle, dans un moment où elle lui dit que son mari serait absent. Mais à un moment convenu, le mari survint, et quoique le Turc fût armé d'un sabre et de deux pistolets, les choses tournèrent de façon qu'ils furent assez heureux pour tuer leur ennemi, qu'ils enterrèrent dans leur maison sans que personne en eût connaissance. Quelques jours après cet événement, ils allèrent se confesser à un prêtre de leur nation, auquel ils révélèrent, dans les plus grands détails, cette tragique histoire. Cet indigne ministre du Seigneur crut alors que dans un pays régi par les lois mahométanes, où le caractère du sacerdoce et les fonctions du confesseur sont ou ignorés ou proscrits, on n'examinerait pas la source des connaissances qu'il transmettait à la justice, et que son témoignage aurait le même poids que celui de tout autre dénonciateur. En conséquence, il résolut de tirer parti des circonstances au profit de son avarice. Il vint alors à plusieurs reprises trouver le mari et la femme, leur empruntant chaque fois des sommes considérables, avec menace de révéler leur crime s'ils le refusaient. Les premières fois, ces malheureux obtempérèrent aux exigences du prêtre. Mais enfin, vint un moment où, dépouillés de toute leur fortune, ils furent obligés de lui refuser la somme qu'il demandait. Fidèle à sa menace, le prêtre aussitôt alla les dénoncer au père du défunt pour en tirer encore de l'argent. Celui-ci, qui adorait son enfant, alla trouver le vizir, lui dit qu'il connaissait les meurtriers de son fils par la déposition du prêtre auquel il s'était confessé et lui demanda justice. Mais cette dénonciation n'eut point l'effet attendu, et le vizir, au contraire, en conçut autant de pitié pour les malheureux Arméniens que d'indignation contre le prêtre qui les avait trahis. Alors, il fit passer l'accusateur dans une chambre qui donnait sur le divan et envoya chercher l'évêque arménien pour lui demander ce que c'était que la confession, quel châtiment méritait un prêtre qui l'a révélé et quel était le sort que l'on faisait éprouver à ceux dont les crimes étaient découverts par cette voie. L'évêque répondit que le secret de la confession était inviolable, que la justice des chrétiens faisait brûler tout prêtre qui l'a révélé et renvoyait absous ceux que l'on accusait par cette voie, parce que l'aveu que le coupable en avait fait au prêtre lui était commandé par la religion chrétienne sous peine de la damnation éternelle. Le vizir, satisfait de cette réponse, le fit entrer dans une autre chambre et manda les accusés pour savoir d'eux les circonstances de cette affaire. Ces pauvres gens, à demi-morts, se jetèrent tout d'abord aux pieds du vizir. La femme prit alors la parole et lui représenta que la nécessité de défendre leur honneur et leur vie leur avait mis les armes à la main et avait dirigé les coups dont leur ennemi était mort. Elle ajouta que Dieu seul avait été témoin de leur crime et que ce crime serait encore ignoré si la loi de ce même Dieu ne les avait obligés d'en déposer le secret dans le sein d'un de ses ministres pour en obtenir la rémission, mais que l'avarice insatiable du prêtre, après les avoir réduits à la misère, les avait dénoncés. Le vizir les fit passer dans une troisième chambre et manda le prêtre révélateur, qu'il mit en face de l'évêque, auquel il fit redire quelles étaient les peines encourues par ceux qui révèlent les confessions. Puis, appliquant cette peine au coupable, il le condamna à être brûlé vif en place publique, en attendant, ajouta-t-il, qu'il le fût en enfer, où il ne pouvait manquer de recevoir la punition de ses infidélités et de ses crimes. La sentence fut exécutée sur le champ. Malgré les faits que l'avocat attendait de ces trois exemples, soit que les juges les récusassent, soit que, sans s'arrêter à la confession, ils jugeassent les autres preuves suffisantes, il fut bientôt évident pour tout le monde, à la manière dont tournait le procès, que la marquise serait condamnée. En effet, avant même que le jugement fût prononcé, elle vit le jeudi matin, 16 juillet 1676, entrer dans la prison M. Pirot, docteur de Sorbonne, qui lui était envoyé par M. le Premier Président. Ce digne magistrat, prévoyant d'avance l'issue du jugement et pensant qu'il serait bien tard pour une pareille coupable de n'être assisté qu'à sa dernière heure, avait fait venir ce bon prêtre et, quoique celui-ci lui eût fait observer que la conciergerie avait ses deux aumôniers ordinaires et qu'il lui eût dit qu'il était bien faible pour une pareille tâche, lui qui ne pouvait voir saigner une personne étrangère sans se trouver mal, Monsieur le Premier Président avait si fort insisté, répétant qu'il avait besoin en cette occasion d'un homme en qui il put avoir toute confiance, qu'il avait accepté cette pénible mission. En effet, Monsieur le Premier Président avouait lui-même que, si habitué qu'il fût au coupable, Madame de Brinvilliers était douée d'une force qui l'épouvantait. La veille du jour où il avait fait venir M. Pirot, Il avait travaillé à ce procès depuis le matin jusqu'à la nuit. Et pendant 13 heures, l'accusé avait été confronté avec Briancourt, l'un des témoins qu'il a chargé le plus. Le jour même, une autre confrontation de 5 heures avait encore eu lieu, et elle les avait soutenues toutes deux avec autant de respect pour les juges que de fierté envers le témoin. Reprochant à celui-ci qu'il était un misérable valet, adonné à l'ivrognerie, et qu'ayant été chassé de sa maison pour ses dérèglements, son témoignage devait être sans force contre elle. Le premier président n'avait donc d'espoir pour briser cette âme inflexible que dans un ministre de la religion. Car ce n'était pas le tout de la tuer en grève. Il fallait que ses poisons mourussent avec elle, ou sinon la société n'obtenait aucun soulagement de sa mort. Le docteur Pirot se présentait à la marquise avec une lettre de sa sœur, qui, ainsi que nous l'avons dit, était religieuse au couvent de Saint-Jacques, sous le nom de sœur Marie. Cette lettre exhortait Madame de Brinvilliers, dans les termes les plus touchants et les plus affectueux, à avoir confiance dans ce digne prêtre et à le regarder non seulement comme un soutien, mais encore comme un ami. Lorsque M. Pirot se présenta devant l'accusée, elle venait d'être ramenée de la sellette où elle était restée 3 heures sans rien avouer et sans paraître aucunement touchée de ce que le premier président lui avait dit, quoiqu'après avoir fait l'office de juge, il eût pris le ton d'un chrétien et lui faisant sentir l'état déplorable où elle était, paraissant pour la dernière fois devant les hommes et devant paraître bientôt devant Dieu, il lui eût dit pour l'attendrir de telles choses que les larmes lui coupaient la parole à lui-même, et que les juges les plus anciens et les plus endurcis avaient pleuré en l'écoutant. Dès que la marquise aperçut le docteur, se doutant bien que son procès tournait à la mort, elle s'avança vers lui en disant « C'est donc monsieur qui vient pour… » Mais à ce mot, le père Chavigny, qui accompagnait monsieur Pirot, l'interrompit. « Madame, lui dit-il, commençons d'abord par une prière. » Ils se mirent tous trois à genoux et firent une invocation au Saint-Esprit. Alors, Madame de Brinvilliers demanda aux assistants d'en ajouter une pour la Vierge. Puis, lorsque cette prière fut finie, elle s'approcha du docteur et reprenant sa phrase, « Assurément, monsieur, dit-elle, c'est vous que monsieur le premier président envoie pour me consoler. C'est avec vous que je dois passer ce peu qui me reste de vie. Il y a longtemps que j'avais impatience de vous voir. » « Madame, répondit le docteur, je viens vous rendre pour le spirituel tous les offices que je pourrai. Seulement, je souhaiterais que ce fût dans une autre occasion que celle-ci. » « Monsieur, reprit la marquise en souriant, il se faut résoudre à tout. » Et alors, se tournant vers le père Chavigny, « Mon père, continua-t-elle, je vous suis fort obligée de m'avoir amené monsieur et de toutes les autres visites que vous avez bien voulu me faire. Priez Dieu pour moi, je vous supplie. Dorénavant, je ne parlerai plus guère qu'à monsieur, car j'ai à traiter avec lui d'affaires qui se discutent tête à tête. Adieu donc, mon père. Dieu vous récompensera des soins que vous avez bien voulu avoir pour moi. » À ces mots, le père se retira et laissa la marquise seule avec le docteur et les deux hommes et la femme qu'il avait toujours gardés. C'était dans une grande chambre située en la tour de Montgomery et qui avait toute l'étendue de la tour. Il y avait au fond un lit à rideaux gris pour la dame et un lit de sangle pour la garde. C'était la même chambre où avait été enfermé autrefois, disait-on, le poète Théophile, et il y avait encore auprès de la porte des vers de sa façon et écrits de sa main. À peine les deux hommes et la femme virent-ils à quelle intention le docteur était venu, qu'ils se retirèrent au fond de la chambre et laissèrent la marquise libre de demander et de recevoir les consolations que lui apportait l'homme de Dieu. Alors, la marquise et le docteur s'assirent à une table chacun d'un côté. La marquise se croyait déjà condamnée et elle entama la conversation en conséquence. Mais le docteur lui dit qu'elle n'était pas jugée encore, qu'il ne savait même pas précisément quand l'arrêt serait rendu et moins encore ce qu'il porterait. Mais à ces mots, la marquise l'interrompit. « Monsieur, lui dit-elle, je ne suis pas en peine de l'avenir. Si mon arrêt n'est rendu, il le sera bientôt. Et je m'attends à en avoir la nouvelle ce matin, et je ne m'en promets pas autre chose que la mort. La seule grâce que j'espère de Monsieur le Premier Président est un délai entre le jugement et l'exécution, car enfin, si j'étais exécuté aujourd'hui, j'aurais bien peu de temps pour me préparer, et je sens, monsieur, que j'en ai besoin de plus. » Le docteur ne s'attendait pas à ces paroles. Aussi fut-il tout joyeux de la voir revenir à de pareils sentiments. En effet, outre ce que lui avait dit Monsieur le Premier Président, le père Chavigny lui avait raconté que le dimanche précédent, il lui avait fait entendre qu'il y avait peu d'apparence qu'elle pût éviter la mort et qu'autant qu'il pouvait en juger par le bruit de la ville, elle pouvait compter là-dessus. À ces paroles, elle avait paru d'abord interdite et lui avait dit tout effrayée « Mon père, c'est donc que je mourrai de cette affaire-ci » Et comme il avait voulu lui dire quelques paroles pour la consoler, elle avait aussitôt relevé et secoué la tête et lui avait répliqué d'un air de fierté « Non, non, mon père, il n'est point besoin de me rassurer et je prendrai bien mon parti moi-même et sur l'heure et saurai mourir en femme forte. » Et comme le père lui avait dit que la mort n'était point une chose à laquelle on se disposait si promptement, ni avec tant de facilité, et qu'il fallait au contraire la prévoir de loin pour n'en être point surpris, elle lui avait répondu qu'il ne lui fallait à elle qu'un quart d'heure pour se confesser et une seconde pour mourir. Le docteur fut donc bien heureux de voir que du dimanche au jeudi, elle avait changé à ce point de sentiment. « Oui, continua-t-elle après une pause, plus je réfléchis, plus je pense qu'un jour serait trop peu pour me mettre en état de me présenter au tribunal de Dieu, afin d'être jugée par lui après l'avoir été par les hommes. « Madame, répondit le docteur, je ne sais pas ce que portera votre arrêt, ni quand il sera rendu. Mais, fût-ce un arrêt de mort, et fût-il rendu aujourd'hui, j'ose vous répondre d'avance qu'il ne sera exécuté que demain. Mais quoique la mort soit encore incertaine, j'approuve fort que vous vous prépariez à tout événement. « Oh, quant à ma mort, elle est sûre, dit-elle, et il ne faut pas que je me flatte d'une espérance inutile. J'ai à vous faire une grande confidence de toute ma vie. Mais mon père, avant de vous faire une pareille ouverture de cœur, permettez que je sache de vous-même l'idée que vous avez prise de moi et ce que vous croyez que je doive faire dans l'état où je suis. « Vous prévenez mon dessein, répondit le docteur, et vous allez au-devant de ce que je cherchais à vous dire. Avant d'entrer dans le secret de votre conscience, avant d'entamer la discussion de vos affaires avec Dieu, je suis aise, madame, de vous donner quelques règles sur lesquelles vous puissiez vous fixer. Je ne vous sais encore coupable de rien, et je suspends mon jugement sur tous les crimes dont on vous charge, puisque je n'en puis rien apprendre que par votre confession. Ainsi, je dois douter encore que vous soyez coupable, mais je ne puis ignorer de quoi vous êtes accusé. Cette accusation est publique, et elle est venue jusqu'à moi. Car, continua le docteur, vous pouvez vous imaginer, madame, que votre affaire fait bien de l'éclat et qu'il y a peu de gens qui n'en sachent quelque chose. « Oui, oui, dit-elle en souriant, je sais qu'on en parle beaucoup et que je suis la fable du peuple. » « Donc, reprit le docteur, le crime dont vous êtes accusé, c'est d'empoisonnement, et j'ai à vous dire que si vous en êtes coupable, comme on le croit, vous ne pouvez espérer le pardon devant Dieu que vous ne déclariez à vos juges quel est votre poison, ce qui entre dans sa composition, quel en est l'antidote et comment se nomment vos complices. Il faut, madame, faire main basse sur tous ces méchants, sans en épargner un seul, car ils seraient en état, si vous leur pardonniez, de continuer à se servir de votre poison, et vous seriez coupable alors de tous les meurtres qu'ils feraient après votre mort, pour ne pas les avoir déférés au juge pendant votre vie. De sorte que l'on pourrait dire que vous vous survivez à vous-même, car votre crime vous survivrait. Or, vous savez, madame, que le péché, joint à la mort, ne reçoit jamais de pardon, et que pour obtenir rémission de votre crime, si vous êtes criminel, il faut le faire mourir avant vous. Car si vous ne le tuez pas, madame, prenez-y garde, c'est lui qui vous tuera. Oui, je conviens de tout cela, monsieur, dit la marquise après un moment de silence et de réflexion, et sans avouer encore que je suis coupable, je vous réponds, si je le suis, de bien peser vos maximes. Cependant, une question, monsieur, et songez que sa résolution m'est nécessaire. N'y a-t-il pas, monsieur, quelque crime irrémissible en cette vie? N'y a-t-il pas, monsieur, des péchés si énormes et en si grand nombre que l'Église n'ose point les remettre, et que si la justice de Dieu peut les compter, sa miséricorde ne peut les absoudre? Trouvez bon que je commence par cette demande, monsieur, puisqu'il serait inutile que je me confessasse si je n'espérais pas. Je veux croire, madame, reprit le docteur, regardant malgré lui la marquise avec une espèce d'effroi, que ce que vous mettez en avant n'est qu'une thèse générale que vous me posez et n'a aucun rapport avec l'état de votre conscience. Je répondrai donc à cette question sans vous l'appliquer en aucune manière. Non, madame, il n'y a pas de péchés irrémissibles en cette vie, si énorme qu'il soit et en si grande quantité qu'il se trouve. Cela est même un article de foi, si bien que vous ne pourriez mourir catholique si vous en doutiez. Quelques docteurs, il est vrai, ont soutenu autrefois le contraire, mais ils ont été condamnés comme hérétiques. Il n'y a que le désespoir et l'impénitence finale qui soient irrémissibles. Et ce sont des péchés de mort et non de vie. Monsieur, répondit la marquise, Dieu me fait la grâce d'être convaincu de ce que vous me dites. Je crois qu'il peut remettre tous les péchés. Je crois qu'il a exercé souvent ce pouvoir. Maintenant, toute ma peine est qu'il ne veuille pas faire l'application de sa bonté à un sujet aussi misérable que je suis et à une créature qui s'est rendue aussi indigne des grâces qu'il lui a déjà faites. Le docteur la rassura du mieux qu'il put, et se mit alors à l'examiner avec attention, tout en causant avec elle.